Ce qui fait que l'homme a dû manger de la viande et l'homme a dû se manger lui-même pour pouvoir en arriver là où il est rendu. Et maintenant qu'il est rendu là, il va devoir redevenir végétarien. Bon, du boudin, non, parce que tout ce qui est dedans, plus dedans. Mais du bon sang, que tu, quand tu tues un animal, tu bouffes le sang direct. Oh, ça, c'est... Alors, sur ceci, on termine la conférence. J'aimerais vous rappeler que demain soir, il y a conférence avec Alexandre Lachance. Le titre...